Chapitre 32e, Fille ou garçon. L'erreur judiciaire que redoutait tant le bon monsieur Duranton fut encore évitée dans la seconde affaire qui fut jugée à quelque temps de là. L'illustre Perpignan passa aux assises. Contre lui, on ne put relever la charge d'incendie volontaire, mais on retint le vol au cours de l'incendie. Et l'illustre Perpignan, sur qui planaient de graves soupçons, dont on retrouva le casier judiciaire, qui fut reconnu pour un éminent cambrioleur, un vieux cheval de retour, un récidiviste endurci, se vit octroyer 5 ans de prison. 5 ans, voilà, se dit Bouchancœur, voilà ce que me vaut encore la rencontre de mon ami Clouteau, 5 ans de prison. L'illustre Perpignan était absolument furieux. Il entra dans une rage folle et jura que certainement il arriverait à se venger de ce traître, de ce lâche Clouteau, qui avait lancé dans cette aventure et qui, sans scrupule, l'abandonnait à son malheureux sort. Encore, s'il avait su ce qu'était devenue son épouse, la belle Bourbonnaise, il n'osait plus l'appeler sa fidèle Zélie. Mais rien, pas de nouvelles. Pendant tout le temps de l'instruction, il ne peut rien savoir. C'est à lui, au contraire, que les magistrats posèrent des questions sur Zélie, sur la belle Bourbonnaise. Lui, par prudence, se garda bien de dire ce qu'il savait sur la mystérieuse paysanne qui avait enlevé la petite Paulette. Les magistrats ne s'attardèrent pas à faire des suppositions, à émettre des hypothèses sur ce point inquiétant. Ils gratifièrent d'abord l'illustre Perpignan, qu'il tenait de 5 ans de prison, pensant que pendant ce temps, probablement, on arriverait à connaître le fameux de cette inexplicable aventure, de ce mystère. Or, quelques jours après cette condamnation, comme Bouchancœur allait être conduit à la maison de détention où il devait purger sa peine, on lui remit une enveloppe contenant un billet de 50 francs. L'illustre Perpignan pense avec un battement de cœur et une joie infinie que ce billet, le plus doux des billets, lui venait de Zélie. « Ah, jamais Clouteau, se dit-il, n'aurait eu cette idée délicate de vouloir alléger un peu la peine de son camarade détenu à cause de lui. » L'enveloppe ne contenait que le billet de banque dans une feuille de papier blanc. Mais l'illustre Perpignan devina quand même la main qui l'envoyait. D'ailleurs, à la souscription, il reconnut l'écriture, énorme, empâtée, hésitante, de la belle Bourbonnaise. En cet envoi, il vit bien des choses. Il lui attribua 1000 significations. Cela voulait dire que la belle Bourbonnaise ne l'abandonnait pas, qu'elle le suivait, qu'elle l'attendait, son Bouchancœur. Et Perpignan eut comme un rayon de joie, d'espérance dans son accablement. Il lui sembla dès ce moment qu'il tirerait vaillamment ses 5 ans, qu'il en verrait bientôt le bout. Il était certain à présent qu'à sa sortie la belle Bourbonnaise l'attendrait, que la vie recommencerait après ce petit entracte comme après tous les autres. Il n'avait qu'à avoir un peu de patience. C'était en effet la belle Bourbonnaise qui avait expédié ce billet de 50 francs à l'illustre Perpignan. Mais il eut encore une autre joie. Comme Bouchancœur se trouvait dans le train pour être conduit à la maison centrale, où il devait purger sa peine, bien qu'il fût avec d'autres compagnons d'infortune, dans un wagon fermé, entre des gendarmes, il put entendre un individu qui, dans un compartiment voisin, abrégeait la longueur du voyage en se donnant un concert sur le flageolet. Or, que faisait entendre ce mélomane, ce musicien? Les chansons favorites de la belle Bourbonnaise, ses refrains d'iction, ses romans sentimentales. Ah! Pensa Perpignan, régalant ses oreilles de ce concert. Ah, on ne m'abandonne pas. Voilà Clouteau, lui aussi, qui me fait savoir, comme dernièrement quand on me conduisait chez le juge d'instruction à Mantes, qu'il me suit, qu'il est là. Brave Clouteau, va. Oui, si tu ne fais pas mieux pour moi, c'est que tu ne le peux pas. Mais tu tiens à me rassurer. Ça va, ça va. Le flageolet, à la dernière station, entonna la chanson « La belle Bourbonnaise qui restait à la maison, zonzon ». Perpignan comprit. « Les aides, pensa-t-il, les aides sont là. Zigomar veille sur moi. Zigomar, va me tirer de là. Zigomar, Zalavie, Zalamor. » Il est probable pourtant que Zigomar ne peut rien faire, pas plus que Clouteau, pour tirer Bouchancœur de peine, car les airs de flageolet furent les seules manifestations des aides qui parvinrent à Perpignan, jusqu'au moment où il franchit, pour 5 ans, la porte de la prison. Mais l'espoir ne l'abandonna pas. Il gardait toute sa confiance, au point qu'en passant la sinistre porte, il chantonnait gaillardement « Si j'entre à la maison, zonzon, ce sera pour 5 ans, zanzan. » Il sourit et se remit à penser à sa chère Zélie, sa belle Bourbonnaise. Dans son petit logement des Batignolles, la belle Bourbonnaise suivit avec une extrême anxiété les débats de l'affaire du braconnier Gervais et celle de son illustre époux. Pendant plusieurs jours, elle vécut dans des transes terribles, dans une anxiété mortelle. Ce ne fut qu'à force de caloriques, d'énergie, demandée à de nombreux petits verres de cordiaux multiples et divers, qu'elle parvint à gagner la date du jugement de son illustre épouse sans défaillance. Aussi, quelle joie devant ce résultat qui menaçait d'être autrement terrible. 5 ans, fit-elle. 5 ans, c'est pas la mer à boire, on s'en tirera bien. Et la belle Bourbonnaise se mit en mesure d'attendre. D'ailleurs, Zélie avait chez elle une occupation qui devait lui faire paraître moins long le temps de la séparation. À présent, Paulette pouvait être considérée comme tout à fait sauvée. Il faut rendre cette justice à la belle Bourbonnaise, qu'elle soigna aussi consciencieusement que possible la fillette, qu'elle se montra pour elle absolument dévouée et véritablement pleine de tendresse. Elle prit donc au sérieux son rôle de maman. Il se rencontre ainsi des natures bizarres qui, poussées dans la vie vers le crime, restent quand même bonnes mères. C'est un effet d'atavisme, c'est la nature, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est un fait avéré. Certes, il y a encore des mégères, des ogresses, et le type de la vieille chouette et des mystères de Paris, qui a servi de modèle, qu'on a tant de fois fait et refait, est en vérité plus rare qu'on ne le croit généralement. La belle Bourbonnaise, qui pouvait être l'égale de cette misérable en tant que vice, que goût du crime, se relevait cependant, se rachetait, par son âme sensible, par son amour maternel, par sa bonté envers cet enfant. Vous avez vu la belle Bourbonnaise très froidement assister au meurtre du comte de Saint-Rion au pied du calvaire du bois de Fontenay. Mais vous l'avez vu s'attendrir sur le médaillon pris dans la poche de la victime, médaillon qui contenait le portrait d'une enfant et d'une jeune femme. Vous l'avez vu partir pour aider au cambriolage de la tilleuse, mais refuser en même temps de laisser périr l'enfant dans les flammes. Vous l'avez vu emporter Paulette au risque d'être arrêtée et jetée en prison. C'était une femme étrange que cette belle Bourbonnaise. Elle acceptait sans sourciller de prendre part au vol, à l'assassinat. Les cris des victimes la laissaient indifférente, mais elle s'attendrissait sur des histoires tristes et lui venait de vraies larmes aux yeux quand elle chantait des romans sentimentales. Au besoin, au pied du calvaire, elle aurait secondé ses complices et tenu les mains du comte pendant qu'on le tuait. Mais ici, elle soignait avec douceur la fille de la malheureuse victime. Elle sauva. Elle arracha la mort Paulette, la fille du comte de Saint-Rion, assassinée par son époux dans les bois de Fontenay. Expliquez ce phénomène psychologique. Donc la belle Bourbonnaise, devenue, dans son appartement de la rue Nollet au Batignolles, Madame Dubois, soigna fort bien la pauvre petite Paulette. Mais comment était maintenant cette Paulette arrachée au mal terrible? Comment la fillette était-elle sortie de cette longue maladie? Les commères disaient en voyant l'enfant, ce n'est plus la même. La pauvre chiffon ne ressemble même pas à elle-même. En effet, Paulette, autrefois, au temps où elle jouait à la tilleuse avec sa mère, était une gamine rose, joufflue, bien portante et bien membrée. Aujourd'hui, c'était un pauvre corps, maigre, aux os apparents. Paulette s'était allongée. On lui aurait donné à présent près de 10 ans. Ses bras maigres n'en finissaient plus, et il semblait supporter mal des mains diaphanes dont les doigts n'étaient que des cordes noueuses. Ses mains longues étaient cagneuses, les genoux faisaient de fortes saillies et les pieds apparaissaient démesurés. Elle n'avait plus ses formes de fillette promettant une jolie femme. Paulette donnait l'impression douloureuse d'une enfant rachitique que guette la tuberculose. « Elle fait pitié, cette pauvre chiffon, disait-on. On s'apitoyait sur l'enfant et on plaignait la grand-mère, cette bonne Madame Dubois, qui, murmurait-on tout bas, malgré tout son dévouement, n'arriverait pas à conserver sa petite. » Mais ce qui, chez Paulette, chez Chiffon, était le plus douloureux d'aspect, c'était la figure. Paulette ressemblait autrefois beaucoup à sa mère. Blonde comme elle, elle avait ses grands yeux mauves, très profonds. Elle avait sa bouche au dessin pur, les lèvres bien marquées, un peu charnues et rouges, lèvres de bonté, bouche aimante. Maintenant, l'ovale de la figure n'existait plus. Les pommes étant saillies, faisaient paraître extrêmement creuses les joues décolorées, les bonnes joues d'enfant si douces, si appétissantes, si tendres aux baisers. Le menton semblait pointu et trop long. Il tirait la bouche, faisait baisser les coins des lèvres autrefois relevés et rieurs. Le nez restait serré, sans palpitations et de couleur cireuse. De même que l'éclair des yeux, que le sourire des lèvres heureuses, que le velouté des joues pleines, le rayonnement d'or des cheveux n'existait plus. On avait dû en effet couper à les longues tresses blondes. Le crâne osseux, bossué, se montrait sous un duvet clairsemé et sans couleur, rappelant le duvet des poussins. Vraiment, Paulette ainsi était méconnaissable, et même sa mère n'aurait en ce chiffon misérable, pitoyable, rien retrouvé de sa fille chérie. Au physique ne s'arrêtaient pas les dégâts causés par la terrible maladie. Le moral avait également grandement souffert. Paulette, la douce Paulette, avait tout oublié dans sa fièvre, tout le passé. Elle ne se souvenait plus de ce qu'avait été sa vie autrefois. La tilleuse, maman Madeleine, grand-père Porfilet, grand-mère Porfilet, tout cela était effacé, évanoui, éteint. Tout cela avait disparu pour elle. Chiffon ne savait plus rien, ni les chansons que maman Madeleine lui chantait, qu'elle aimait tant, qu'elle redisait, elle aussi. Elle ne savait plus même la légende, si souvent entendue et chaque fois écoutée avec un nouveau plaisir. Ils étaient trois petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Paulette avait disparu totalement, non seulement au physique, mais au moral. Il ne restait plus désormais que Chiffon. Hélas, Chiffon. Chiffon ayant pour grand-mère Madame Dubois. Pauvre mignonne, oh, pauvre chérie. Quand Paulette commença à pouvoir marcher, la belle bourbonnaise l'emmena en voiture faire quelques promenades, prendre un peu l'air du dehors. Elle la conduisit jusqu'au square de Batignolles, les jours où la musique militaire se faisait entendre. Paulette, assise sur une chaise de fer, restait immobile, accablée, la tête penchée à droite ou à gauche, regardant sans voir, écoutant sans entendre. Elle était laide ainsi. Laide, elle, Paulette, qui avait une merveilleuse enfant. Laide, la fille de cette adorable Madeleine. Parfois, des enfants en jouant poussaient jusqu'à sa chaise. La majestueuse Madame Dubois ne les intimidait pas, ces garnements qui ont des audaces de pierrot insolents. Et ils venaient rire de Paulette, se moquer d'elle. « C'est-il un garçon ?» se demanda-t-il. « C'est-il une fille ?» On ne pouvait dire, en effet. Paulette avait bien un costume de fillette, un chapeau de fillette, mais elle était si longue, si disgracieuse et sa tête rasée était si vilaine, vraiment qu'on eût dit d'un garçonnet malade. La vie des gamins, cet âge est sans pitié, fut que c'était un garçon. Surtout quand, par des racontars de gamins de la rue Nollet, on apprit qu'on l'appelait Chiffon. « C'est un garçon habillé en fille, » fut le dernier avis de ses effrontés. Paulette ne se doutait pas de ce qui se passait autour d'elle, de ce qu'on pensait d'elle. Elle n'en avait nullement conscience. Mais la belle bourbonnaise fut forcée de convenir que les garnements avaient raison. Paulette ressemblait à un garçon sortant de maladie, non à une fillette malade. « Je l'habillerai en garçon. Je lui mettrai des culottes, » pensa-t-elle, « que personne ne se douterait qu'elle devrait porter des robes. »